Bosmer, ici Mélissa Brézé et Elsa Jekiskassel pour le podcast La lumière à tous les étages. Et si on se retrouve ce soir, c'est pour parler d'un spectacle que nous avons vu pas plus tard qu'hier soir, donc le 7 septembre, c'est ça ? Exactement. Le mardi 7 septembre 2021. Exactement, hier soir. À 20h. À 20h, précise. Oui. Un spectacle que nous avons vu au Théâtre du Châtelet, à Paris. Quel était le titre de ce spectacle, Elsa, je t'en supplie. Le titre de ce spectacle, c'était Transverse Orientation. Ça se prononce à l'anglaise. Ah bon? Ouais, je crois. Transverse Orientation. Transverse Orientation, voilà. Si tu préfères. Transverse Orientation, je pense que c'était très bien. C'était plus joli à l'anglaise, mais bon, il faut bien lui trouver un. Et donc, c'était mis en scène et chorégraphié par, alors attention, Dimitris Papayanou. Papayanou. Papayanou, pardon. Dimitris Papayanou. Mais Papayanou, ça fait plus mime. Fait plus... Tu vois le chanteur Carlos ? Je sais pas pourquoi je trouve que Papayanou, c'est un petit, c'est pour être un titre. C'est pour être un titre qu'il est composé. Exactement. Tu vois, genre, il a composé tout un clip là-dessus. Je savais pas qu'on allait parler de Carlos. Ouais, bien. Je ne m'y attendais pas dans ce premier épisode de ce tout nouveau podcast. Oh là là, c'est dans toutes vos oreilles. Attention, écoutez-le partout, conseillez-le à vos amis, même si vous savez pas encore ce que c'est. Ça se trouve, vous allez détester, mais non, vous allez adorer. Donc parlez-en autour de vous. Faites-nous de la thune. De la moula. À foison. Des lieux, des contrées de moulins. C'est un spectacle qui, à la base, était étiqueté comme étant de la danse. Il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, qui ne vont pas souvent dans les théâtres, que les théâtres ont tendance à mettre des étiquettes au spectacle, à savoir si c'est de la danse, du théâtre, de la musique, d'une expo, une performance. Qui permet, enfin, pour un public assez large, de s'orienter, en fait, d'une certaine manière. Mais même si, voilà, des fois ça colle pas trop, mais il faut bien trouver quelque chose, quoi. Ça colle pas trop, surtout plus on avance dans le temps et plus on évolue artistiquement et plus on mélange un peu tout ça pour faire des spectacles assez pluridisciplinaires finalement. Oui, ce qui est très chouette, hein. Moi c'est ma passion, hein. N'oubliez pas que je viens du milieu de la comédie musicale, donc vraiment la pluridisciplinarité c'est ma passion. Et donc du coup les étiquettes sont pas forcément valables. Par exemple, concernant hier soir. Danse n'était pas vraiment le terme, j'aurais plus dit performance pour ma part, mais bon, après, ouais, je sais pas moi trop. J'aurais mis un mélange entre danse, cirque, performance en effet. Mais je trouve que dans la logique, ce qui peut paraître moins présent dans tout ce qu'on a vu, c'était la danse, et je pense qu'ils auraient mieux fait de mettre performance, parce que c'est assez large, et performance, c'est quand même le terme le plus flou du milieu du spectacle. Performance, c'est un mot qui fait peur. Oui. Parce mais t'as l'impression que tu vas voir un monsieur seul en train de se laisser suer tout seul sur une scène. Oui. J'ai vu ça un jour. Exactement. Et ça s'appelait performance. Ben oui, parce qu'en soi, une performance, moi j'adore aussi, c'est un truc, souvent c'est très politique, dans le sens où ça défend souvent plein d'idées très intéressantes. Alors quand je dis politique, je parle pas de droite ou de gauche, hein, ça peut être juste... défendre par exemple un point de vue amoureux. Tant que tu défends un point de vue. Hein, voilà, exactement. Et donc la performance, ça fait peur parce que les gens qui ne sont pas un public récurrent culturel, c'est compréhensible ce que je dis. Oui, si, bah, c'est plus simplement des gens qui ne vont pas souvent au théâtre, quoi. Oui, voilà, et qui ne voient pas spécialement souvent de spectacles, de trucs, voilà, bah, ça fait peur parce que tu ne sais pas ce que tu vas voir et que à tout moment ça va être un truc très érudit et du coup qui ne fait pas spécialement envie. Oui. Alors que la perf, pas forcément érudit, et puis parfois ça dure. 5 minutes et enfin bon et c'est bien oui c'est très bien et ça et c'est très parlant ouais, bref ouais, c'est vrai je suis d'accord nous verrons probablement des perfs pendant l'année et nous en parlerons dans ce podcast dans ce podcast évidemment dans ce podcast bien d'accord. sûr voilà, tout il est affiché comme durant 1h45 comme tout spectacle ça peut être plus long ou plus court de quelques minutes hein, puisque ça dépend de la performance des artistes finalement et ça dépend à quelle heure ça commence si tout le monde est rentré dans la salle etc et voilà faut être à l'heure il y a quand même eu plusieurs rappels je trouvais que ça faisait beaucoup oui des rappels un petit peu forcés hein, n'est-ce pas nous en parlerons hein. Bah, nous pouvons en parler qu'est-ce qu'on pense des rappels au théâtre quand les lumières ne sont pas rallumées. Alors attends, c'est moi je parlais des rappels dans le style les dring-dring du début. Ah, où je trouve qu'il y en avait grave beaucoup parce que les gens rentraient pas vite. Mais les rappels de fin, on peut aussi en parler, pas de problème. Alors pour contextualiser rapidement, donc le rappel à la fin c'est, vous savez ce moment où donc, vous applaudissez les artistes retournent dans les publics, et puis là par convention, quand, alors ça n'existe qu'en France, alors peut-être pas qu'en France, mais en tout cas pour avoir vu plusieurs spectacles en Angleterre, ça n'existe absolument pas en Angleterre. Ah, ben ça. Il n'y a pas de rappel. Wow. Juste, tu applaudis une fois, tu peux te lever, tu peux faire une standing ovation, mais il n'y a pas de rappel. Je crois qu'en Allemagne, il n'y a pas ça. Okay. Je crois que c'est très français. Ouais, c'est... Alors, c'est un moment qui est très plaisant en tant qu'artiste, puisque mm-hmm. du coup, si la foule continue d'applaudir, et bah, tu reviens sur scène pour re-saluer une seconde fois. Et puis, si le public est vraiment extrêmement content, tu peux revenir 5 fois. Une quatrième fois. Tu peux revenir vraiment souvent. Au bout d'un moment, c'est très chiant, même quand t'as adoré le spectacle. Oui, bon. T'as des gens qui le font un peu exprès dans le public. Des fois, c'est un peu relou. Je sais qu'il y a un spectacle que j'ai vu il y a genre un an. Ça, je crois qu'il devait y avoir 6-7 rappels, et au bout d'un moment, même toi, tu fais écoute, t'es mignon, mais oui, mais on s'en va quoi. Enfin voilà, merci, vous avez vu votre dose de bonheur, nous aussi, merci. Mais c'est ça, moi, il y a eu des moments où j'ai vu des spectacles où j'ai vraiment fini le spectacle en larmes, debout, à dire oh, mais à me dire, mais waouh, ce spectacle c'était ouf, bravo. Et vraiment à applaudir avec toute la sueur et toute l'énergie que je pouvais avoir en moi. Mais vraiment, au bout du cinquième rappel, t'es là, bon, par contre, les gars, je pense que vous avez faim, vous avez envie de manger et de boire un coup ensemble. Nous, on a envie de rentrer aussi, donc arrêtons là. C'est très bien, félicitations, voilà. Des fois, tu te dis que les artistes, même eux, ils en auront le bol. Ah, mais ils ont qu'une envie, c'est d'aller boire un coup. Oui, même moi, tu sais, une fois, je fais, allez, hop, c'est fini, bonne soirée, fermez les rideaux, on se casse tous, sortez-moi une bière. Ouais, voilà, c'est ça. Non, un truc comme ça, mais bon, après, c'est toujours plaisant, cela dit. Tout à fait. Mais et puis c'est trop. Vraiment significatif que le spectacle a beaucoup plu, a priori. Oui. Sauf que normalement, il est d'usage, dirais-je, la coutume est de rallumer les lumières pendant un rappel. Afin de dire qu'il faudrait bien s'arrêter. Oui, et puis pour que le rappel soit pas obligatoire. Oui, et que ce soit pas un rappel faux cul de bon, bah les lumières sont pas encore allumées, donc on peut pas sortir, donc on va continuer d'applaudir. Et que ce soit un rappel sincère s'il a lieu d'être. Que les gens qui veulent se barrer se barrent, et puis ceux qui veulent continuer d'applaudir, bah, continuent d'applaudir avec les lumières, et il y a quand même des rappels. C'est en fonction, c'est au bon plaisir de chacun, n'est-ce pas? Comment dire, hier soir, il y avait un petit rappel un peu forcé, disons. Ah bah moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Au bout d'un moment, moi, j'étais... Après, ça dépend, je pense, de comment on a vécu le spectacle. Et je pense qu'ils attendaient que les gens finissent d'applaudir, mais c'est pas vraiment la bonne chose à faire, parce que dans ce cas-là, tu ne t'arrêtes jamais. C'est ça. Et vraiment, la salle était plongée dans le noir. On parlera du sujet plus en profondeur après, mais ni Elsa ni moi n'avons passé une excellente soirée. Non. Donc on avait envie d'applaudir pour féliciter les artistes de leur travail, évidemment, et puis de se barrer, sans rappel. Mais je pense que ce qui a beaucoup motivé... J'ai besoin d'en parler. Ce qui a beaucoup motivé la régie à ne pas rallumer tout de suite, c'était d'attendre que la femme à côté de nous se casse la voix, littéralement, jusqu'à la fin du spectacle. Bravo! C'était magique. Déjà qu'elle a toussé tout le long. Oui, voilà, la femme qui est en train de décéder derrière nous et qui a crié bravo pendant tous les applaudissements. Elle a bien aimé. Je pense qu'elle a bien aimé, ouais. Elle a partagé son enthousiasme. C'était étonnant, mais à ma foi, si les artistes l'entendaient, ça devait être très agréable pour eux. Oui, non, tant mieux. Mais je crois que c'était pas la seule. J'ai cru entendre. Bah, en fait, elle en a lancé plein. Du coup, voilà, du coup, il y en a d'autres dans le coin qui se sont lancés et dire bravo! Rallumer les lumières, partir. Mais après, j'ai envie de dire, soyez des bons spectateurs. Hein. Si vous avez envie de partager votre enthousiasme pour le spectacle, faites-le. Hein. Les artistes en seront ravis. De toute façon, c'est la fin, il n'y a plus rien qui va se dire. Donc, si tu veux crier un truc, crie-le. Mais bon, voilà. Mais... Alors, par contre, ne criez pas de méchanceté, voilà. Ni de, pas de symboles nazis, de slogans politiques, autres. Parce que nous sommes en période électorale. C'est très gentil. Évitons ce genre de position compliquée. Voilà. Mais si vous êtes joyeux, voilà, criez votre joie. Voilà. C'est tout ce qu'on veut, en fait. C'était juste étonnant. Oui. Très. Moins que le couple qui s'embrasse à travers un masque. Mais c'est encore un autre avis. Si, je pense que c'est juste parce qu'on comprend pas ça à l'heure actuelle, mais je pense qu'il y a plein de couples qui le font, mais moi j'arrive pas à le comprendre. Mais je pense qu'on a jamais été en couple avec des masques. Ouais. Et ça fait que du coup j'arrive pas à comprendre ce concept. Ce qui fait que voilà, on ne peut pas comprendre pourquoi les couples s'embrassent à travers un masque et que vraiment on a arrêté notre discussion de manière assez bloquée. De sur dire, le putain, ils s'embrassent. Il vient se passer un truc chelou qui n'a pas de sens. S'il y a des gens en couple qui écoutent et qui s'embrassent avec des masques, j'ai envie de comprendre. Ouais, expliquez-nous. Ouais, je comprends pas. Envoyez-nous des messages sans nous insulter, s'il vous plaît. Sans nous dire, ouais, vous êtes que des vieilles célibataires aigries. Non, c'est faux, d'accord. C'est vrai que j'arrive pas à comprendre, parce que c'est quand même un truc très... Je sais pas si on peut dire ça, mais érogène, non? C'est une zone très érogène, la bouche, oui. Mais je veux dire, si tu... Enfin, c'est comme mettre un essuie-tout, quoi. Enfin, je veux dire, le concept... Enfin, oui, pardon, mais dans ces cas-là... Enfin... Oui, oui, c'est parce que pour le symbole, bizarre. Pour le symbole, je veux bien, le symbole, je veux bien qu'on respecte les lois, mais en fait... quand même, s'il vous plaît. Enfin bon, bref, voilà. Voilà, donc ça c'était les petites annexes de la soirée. C'était pour ma part, au début, la chose la plus absurde que j'ai vue. Mais qui ne faisait pas partie du spectacle. Puis ça s'est gâté. Bref, voilà. Est-ce qu'il serait pas temps... Tu veux parler des prix peut-être? Oui, parce que moi j'adore parler argent. financièrement parlant, ça va, hein, le Châtelet en fait, ils sont... je sais que dernièrement, enfin pour le coup, pour ma part, pour en avoir un petit peu discuté et même agi par rapport, je fais de la pub pour une pote, avec, pour une amie, que dis-je, pour une youtubeuse théâtre, Marie Coquille Chambel, elle a beaucoup travaillé. Alors, le lien dans la description. Exactement. Qui fait une très bonne vidéo. En gros, on avait parlé un petit peu du prix des spectacles, enfin notamment elle, elle en parle beaucoup avec sa communauté, et à l'heure actuelle, c'est pour les étudiants, ça vaut le coup d'en parler un tout petit peu. Il est intéressant, même pas que pour les étudiants, mais pour certaines classes sociales, que les prix baissent, parce que c'est un peu compliqué d'aller au théâtre pour certaines personnes, mais enfin voilà. Souvent étudiants, demandeurs d'emploi, c'est souvent le même, voilà. Même prix, ouais. Et du coup, je sais pas comment c'était avant au Châtelet, parce que j'y suis pas souvent allée. Je suis allée de plus dans d'autres théâtres où les prix étaient déjà pas très élevés. Mais là, au Châtelet, donc nous, là, on a pas payé extrêmement cher, du coup. On a payé 10 euros chacune, en tant qu'étudiante. Et exactement, ouais. Et selon ce que j'ai cru comprendre, tu peux... Enfin, pour là, ce spectacle-là, mais je crois que c'est un peu partout pareil au Châtelet, c'est entre 5 et 45 euros. Oui, donc, c'est ça. C'est plutôt pas mal. C'est, alors, ça peut rester cher pour... Alors, en fait, ouais, bon, ça, c'est un lourd sujet, oui. Les prix des théâtres. 10 euros, clairement, pour moi, c'est rien. Et donc, allez au théâtre, je vous en supplie, si vous avez des aides et des prix, si vous êtes étudiant, si vous êtes demandeur d'emploi, au lieu de prendre une pinte dans un bar très cher, ou allez dans un bar moins cher et prenez 10 euros une place de théâtre. Voilà. La pinte sera tout aussi bonne. C'est une pinte. Ce sera juste moins cher et vous aurez vu un spectacle en prime. Du coup, ce sera trop bien. Ce sera une stella, mais c'est pas grave. Pour boire, on est content. Voilà. Et puis, il y a des cocktails à 4,50€ et on est très heureux quand même. C'est des virgines. Hein. Mais ils étaient à 7 oui. euros. Mais même à 7 euros, ouais, c'est 7 pas euros. Cher. Pour Paris, ça fait moins cher. Pour Paris. Disons que oui, 45 euros pour un spectacle, moi, je trouve ça très cher. Après, c'est les places les mieux placées, évidemment. Mm-hmm. En fait, faut pas oublier que dans la majorité des théâtres, en tout cas ceux qui sont placés, il y a différentes gammes de prix qui vont... Alors, on parlera pas de l'opéra, qui est vraiment inaccessible. Non, c'est une grosse galère. Et si t'es étudiant pour l'opéra, il faut s'y prendre 1000 ans à l'avance. Ouais, 1000 ouais. ans, c'est très gentil, je trouve. Ouais, ouais, bon, voilà. Il y a un théâtre en France qui est inaccessible. Après, sachez voilà. que sinon, globalement, les autres théâtres publics... Oui. Et là, on va faire une vraie différence entre le théâtre privé et le théâtre public. Peut-être qu'on fera des épisodes sur des théâtres privés, mais ça va être assez rare, je pense. Ouais, je pense que ça va être assez rare, parce que déjà... Parce qu'on n'est pas trop cliente de ce genre de... Moi, perso, je suis pas très spectatrice du théâtre de boulevard et moi non plus. Tout ça. Donc, non, voilà, c'est juste une question voilà. de goût, finalement, et nous, c'est pas trop notre truc. Mais ouais. Voilà, donc on va probablement beaucoup plus parler de théâtre public. Et donc, ouais. l'avantage du théâtre public, c'est qu'ils ont des subventions de l'État, et donc ça leur permet de mettre des places moins chères. Ouais. Et donc, généralement, même quand on n'a pas de tarif réduit, ça va rarement au-delà de 20-25 euros. Mmh. Ce qui est cher quand on y va toutes les semaines, ce qui n'est pas cher quand on a envie de se faire plaisir de temps en temps. Ouais, et même quand... Enfin, il y a des tas de théâtres, là, même... Enfin, je parlerai vite fait, bon, c'est pas le sujet, mais du Montfort, qui mettent en place des abonnements, qui font que c'est aussi moins cher pour les étudiants. Et puis, ça ne coûte rien de téléphoner à un théâtre, pour le coup, parce que je l'ai fait... et de leur demander de réduire le prix de leur place. Parce que si tu le demandes, si tu téléphones à l'administration, ils peuvent comprendre. Certains, il y en a qui ne le comprennent pas, mais ça dépend des... Enfin, je dirais pas, c'est pas une histoire de contact, c'est juste une histoire de tu expliques pourquoi, etc. Et il y en a qui n'ont pas trop de problèmes à descendre le prix de leur place. Donc voilà, après, c'est des cas, disons, exceptionnels, mais c'est possible. Ça se tente, quoi. Ça se tente. Ça coûte rien d'essayer. J'ai essayé la colline, ça a marché. Voilà. Mais en soi, ça reste... pas extrêmement cher. C'est, enfin, je sais que toi du coup t'étais en Angleterre et c'est pas du tout les mêmes prix, quoi. Mais, oui, oui. Et puis même pour le, j'ai regardé pas de subvention, quoi. Pour la BR, je suis très fan du théâtre allemand. Oui. Et pour tout ce qui est la scène berlinoise, bon après pas tous les théâtres, mais notamment la Schauspielbühne, enfin la Schauspielbühne, si je me trompe pas. C'est pas moi qui vais te corriger. Bref, en gros, le grand théâtre en Kien à Berlin. Là-bas, les prix sont très chers. Très, très, très, très cher. Après, bon, le théâtre, c'est très différent. Même en Angleterre, c'est très différent. Ils jouent une pièce toute l'année, tu vois. Enfin, il y a un truc. Ah oui, c'est un fonctionnement complètement différent. Peut-être qu'on en parlera si d'aventure on va. À l'international. À l'international, regarder les spectacles ensemble. Voilà. Donnez-nous de la moula. On veut de la moula pour aller à l'étranger. J'ai hésité pendant longtemps à me dire que j'allais prendre un TGV Max pour aller découvrir des spectacles qui sont pas à Paris. Il y en a plein qui c'est partent. C'est pas utile parce qu'en fait, généralement, ils passent tous à Paris, les spectacles qui passent en France. Sur le moment, je regardais, je suis ah ouais, mais c'est dans un an et demi, alors qu'ils passent dans deux semaines à Marseille. Et je suis ouais, mais attends, mais va payer un train jusqu'à Marseille. Oui. Mais bon, voilà, non, après, de toute façon, quoi qu'il en soit, ce qui est pratique à Paris, c'est que bah, t'as un peu tout. Oui, c'est la tristesse de la France et l'avantage quand on habite à Paris. C'est que du coup, tous les spectacles passent par là. Mais c'est hyper triste. pour le reste de la France, qui a du coup un dixième des spectacles qui passent à Paris, quoi. Enfin, je sais que pour le coup, moi, quand j'habitais à Strasbourg, on avait plein de théâtres et j'ai pu voir des trucs très cool et que après j'ai vu repasser à Paris. Et j'ai fait, ouais, bah non, j'irai pas du coup. Mais voilà, après, c'est sûr qu'il y a plein de spectacles qui ne se joueront que à Paris, mais il y a quand même des fois la scène culturelle s'ouvre un petit peu quand même. Mais, oui, quand même. Mais bah, alors là, on va pas faire un cours sur la décentralisation théâtrale. mais oui. Bah, moi, j'ai vécu qu'à Bordeaux, mais oui, ça ne manque pas non plus les bonnes scènes. Allez au Carré-Colonne. Voilà. Allez au Maillon. On a aussi une scène qui s'appelle La Scala à Strasbourg. Ça me fait beaucoup rire. On a le Maillon, La Scala, le TNS, très bon théâtre aussi. Enfin, voilà, il y en a plein. Allez voir les spectacles strasbourgeois. Est-ce qu'on parlerait pas du spectacle qu'on a vu hier soir? Parce qu'a priori, c'est pour ça qu'on est là. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de plein de trucs, mais parlons d'hier soir. Donc du coup, on va vous pitcher un petit peu le spectacle d'hier soir. Alors moi, je vais pitcher à partir des informations qu'on avait avant le spectacle, sachant que moi, je les ai lues après le spectacle, parce que je n'aime pas être au courant de ce que je vais voir. C'est ma volonté, c'est mon choix, c'est mon droit. Et Elsa vous donnera son propre pitch, comme si elle n'avait pas vu ce qui était écrit finalement de ce à quoi on pourrait s'attendre pour ce spectacle. À la base, sur le site du Châtelet, on nous fait part d'un spectacle qui lie la peinture, le cirque, la comédie, les costumes, le décor, la lumière, avec 8 danseurs sur de la musique de Vivaldi. Que le spectacle parle de la notion de succession, du meurtre de Minotaure par Thésée, donc un certain lien avec la mythologie, et donc le moment où le fils prend la place du père dans la figure familiale, et donc à partir de ça, après avoir travaillé sur le Minotaure et sa représentation, ils se sont penchés à travers un travail de recherche en fait vers plus le rapport à la lumière, le rapport au corps de la femme du coup, puisqu'il y a donc 8 danseurs dont 2 femmes mais une, on en reparlera, qu'on voit très peu. On peut considérer que c'est comme s'il n'y avait qu'une seule femme, hein. Je suis désolée pour la comédienne danseuse qu'on voit 5 minutes, et de la métamorphose du genre masculin en présence féminine. Voilà, ça c'est ce qui est dit sur le site du théâtre du Châtelet. Pour moi, ça c'est un peu « dites-moi que vous êtes un homme cisgenre hétéro sans me dire que vous êtes un homme cisgenre hétéro ». Voilà, pour moi c'est complètement ça. C'est tellement une traîne TikTok. Oui, exactement. Voilà, donc ça c'est le pitch de base. Maintenant, Elsa, si tu veux bien nous donner ton pitch à toi que tu aurais fait si tu devais expliquer à quelqu'un qui devait aller voir ce spectacle ce qu'il allait voir, tout simplement. Alors, c'est bien parce que c'est tellement fourni mais en même temps tellement flou. Ça peut paraître bizarre dit comme ça. Je suis assez d'accord avec plein de trucs qui ont été dit là avant, mais effectivement, c'est un spectacle qui touche un peu à tout. Il y a du cirque, il y a de la perf, il y a de la danse, il y a des choses très belles, vraiment très belles physiquement, il y a des choses très intéressantes musicalement parlant. Pour moi, c'est resté un petit peu flou et vague au niveau de la mythologie, parfois aussi par rapport à ce qu'on peut lire là sur ce site présentement. Il n'empêche que c'était très beau. Il y a énormément d'humour aussi dedans, moi je sais que j'ai beaucoup ri quand même. Et voilà dans les grandes lignes, donc ça reste quelque chose de très intéressant. Oui, bah oui, complètement. Dimitris Papayoannou, qu'est-ce qu'on sait sur lui? On sait que c'est une personne grecque, que la compagnie est grecque, qu'il est un peu touche-à-tout. Il a beaucoup travaillé les costumes, la lumière, la danse, la peinture. Il est un peu à l'image de son spectacle, en fait. Oui, complètement, ouais. Voilà. Ah, et si, quelque chose du coup d'important que peut-être certaines personnes savent, moi je ne le savais pas du tout, c'est lui qui s'est occupé de la cérémonie d'ouverture et de fermeture des JO de 2004 à Athènes. Genre. Voilà. Alors j'étais sûrement trop jeune pour vraiment m'intéresser aux JO. J'étais pas si jeune que ça. Enfin, j'avais moins de 10 ans, quoi. Donc je pense que c'était pas ma passion du moment. Alors que maintenant j'adore. Mais. J'en avais 4. Le saut à la perche, c'était pas mon délire. Mais je suis sûre que c'était très bien. Mais c'est marrant, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est un bon choix de prendre ce mec-là pour faire la cérémonie d'ouverture des JO, parce que les JO, c'est plein de sports différents, plein de trucs différents, et là, on a un mec qui est multitâche. Oui, mais ça vaut pas WizKid, pardon. C'est vrai. Parce que quand même, WizKid, pour Paris après, 2024, c'est la meilleure nouvelle. WizKid. Rien de faux WizKid. Est-ce que je suis une fangirl? Oui. Un peu, j'avoue. Mais ça va, non, mais je suis d'accord. Après, voilà. Donc, oui, ça veut dire qu'il est quand même un peu famous en Grèce. I guess. Intéressant. Donc, à partir de maintenant, nous allons parler plus précisément de ce qui se passe dans le spectacle. C'est donc un moment de spoiler. Donc, peut-être, si le spectacle vous intéresse et que vous ne voulez pas être spoilé, bah, coupez ici, allez le voir et revenez écouter après. Si vous vous en foutez, eh ben, écoutez jusqu'au bout. Si ça ne vous intéresse pas, eh ben écoutez le prochain épisode, peut-être que ça vous intéressera un peu plus. Voilà. Ceci est une alerte spoiler sur le thème de Kill Bill, dans le but que vous compreniez que ce qui suit va vous spoiler l'intégralité du spectacle. Alors, bah Elsa, qu'as-tu pensé globalement de ce spectacle? Dis-moi tout, comment es-tu ressortie de ce spectacle? Dans quel état? J'ai plutôt commencé par comment je suis rentrée. Moi j'ai regardé un petit peu le programme avant, parce que ça m'intéresse un petit peu de savoir de quoi ça parle, parce que je peux très vite me retrouver sans armes face à un truc que j'ai possiblement pas compris. Et en soi c'est pas plus mal, mais j'avoue que j'aime bien quand même m'informer un petit peu. Il faut dire que ce que j'ai lu ne m'a pas vraiment aidée. Et en fait non, je suis partie avec beaucoup de joie en fait, et beaucoup d'attente pour quelque chose qui m'a un peu déçue, même assez déçue, notamment parce que ça tire en longueur. C'est long. C'est salement long. C'est très long. Disons que le spectacle aurait pu se terminer à peu près 30 fois avant la fin. Alors, mais en soi, personnellement, je me suis pas ennuyée. Non. J'avais juste hâte que ça se termine. Oui, aussi. Mais en fait, il y a un truc de les scènes, si on coupe 5 bonnes minutes à chaque truc, enfin chaque scène qu'il y a. Oui. On est tous contents. Non, et puis parlons du démontage de la fin dès le début. Voilà, je veux dire... on va directement parler de ça parce que vraiment, c'était pas possible. Donc pour contextualiser, ça se termine... Alors, on peut penser que ça se terminerait sur une très belle image lente et longue, certes, mais d'une femme qui s'enfonce dans l'eau, oui, mais ça avec des jolis reflets, voilà, avec des jolis reflets d'eau, etc. Sauf qu'après, il y a un monsieur qui arrive et qui commence à démonter... la pièce scène pièce, en fait, ouais. Plateau Samia par Plateau Samia. Ouais. Samia par Samia, puis il se fait rejoindre par des copinous à lui. Voilà. Qui démonte les Samia avec lui, mais qui. Moi, sur le moment, j'imaginais réellement un vrai démontage. Enfin, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, oh, ils vont vraiment démonter la scène. Et puis après, je me suis rappelé de ce qui s'est passé avant. On en parlera après avec les cubes. Et je me suis dit, bon, bah, ils vont. Enfin, juste, ils les rangent, tu vois, enfin, pour faire un autre espace, ou je sais pas, et ça va aller assez vite. J'avais envie d'y croire. Oui. Et puis, je les vois qu'ils les mettent un petit peu de manière. Aléatoire. Oui, aléatoire, brouillon. Dirons-nous. Pour créer une espèce de montagne. Une montagne, mer, oui. Un rocher. Disons deux tas de plateaux, oui. Avec de l'eau au milieu qui était finalement sous les plateaux. Voilà, depuis le long. Début. Alors moi j'aimerais juste préciser que j'ai dit pas plus tard que hier matin, et c'est toujours vrai, que vraiment la présence de l'eau sur scène me fait bander, littéralement. C'est vraiment c'est le vrai. Truc, moi tu me mets de l'eau sur scène. J'adore. Et ben là, oui. Pour la première fois de ma vie, je suis plus d'accord. Là, je n'ai pas compris, j'étais vraiment là, mais... Oui, alors, c'est... j'adore l'eau. Tout ce qui s'était passé avant avec le reflet de l'eau, en fait, il y avait donc une femme qui jetait de l'eau au sol, tel le signe Verseau, hein, finalement. Et vrai. Donc, avec des projecteurs qui reflétaient, en fait, qui étaient directement dans l'eau, qui se reflétaient sur le mur blanc derrière. C'était très, très beau. Voilà, ils auraient pu rester sur cette image très belle. Et non, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'eau partout sous la scène, mais qu'ils n'ont pas du tout utilisé. C'est dommage. À part pour faire semblant qu'ils allaient nettoyer avec une petite serpillière. C'était la touche humoristique absurde. De la fin. C'est comme quand t'as passé un moment gênant, quelqu'un a mis une blague pas très drôle et tu vois qu'il y a un moment de gêne et tout d'un coup t'as quelqu'un qui pète un confetti. Ouais. Tu vois, bah, c'est un peu ça. Ouais, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je suis là, ouais, cool, merci de nous l'avoir mis, mais ça fait 15 minutes qu'on attend que ça se termine, quoi. Ouais, carrément. Donc, tu dis, bon. Mais c'est vrai que cette image de la femme, on aurait pu s'arrêter là, quoi. Non, mais bien avant, on aurait pu s'arrêter. Hein, oui, mais, c'est vrai. Il y a tellement de moments auxquels je pense, auxquels on aurait pu s'arrêter. Alors, moi je dirais que le spectacle c'est un peu une suite de tableaux. Oui, mais clairement. Il y a plein de tableaux qui s'enchaînent les uns après les autres, qui ont plus ou moins un lien, mais vague. Et vraiment, moi ce qu'on est ressorti le plus de ce spectacle, c'est je n'ai rien compris. Alors, c'est là que la dualité de mon cerveau apparaît dans ce podcast pour la première fois. Pendant tout le spectacle, j'ai fait que me poser la question de. Je ne comprends pas. Où est-ce qu'ils veulent en venir? Qu'est-ce qu'ils veulent raconter? Je n'arrive pas à comprendre. Et je cherchais tellement à comprendre. Je pense que c'était aussi parce que je savais que j'enregistrais ce podcast, hein, l'air de rien, que je ne me suis pas laissée aller dans le... C'est pas grave. Je me suis vraiment dit, il faut que je comprenne, parce que demain, il faut que j'en parle, en fait, de ce spectacle. Et je ne sais pas ce que je vais en dire, parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Et à un moment, j'en ai eu tellement marre de lutter contre moi-même, de me dire, je ne comprends pas, j'essaye de comprendre, je cherche toutes les directions, il n'y a rien qui fonctionne. Que j'ai dit, bon bah merde, je vais peut-être accepter le fait de ne pas comprendre, ce qui n'est pas grave en soi, c'est cool aussi de voir un truc qu'on ne comprend pas, surtout que visuellement c'était très beau. Mais il n'empêche que j'ai quand même rien compris, et que ça m'énerve. Ça m'a perturbée aussi. Enfin, il y a des moments où j'avais une étonnante impression d'être au musée. Tu vois, quand tu t'arrêtes devant une œuvre, tu la regardes, et tu t'en vas. Mais l'œuvre ne te suit pas jusqu'à chez toi, tu vois. Et là, là, il y avait un truc très... contemplatif. Ouais, de contemplatif, ouais. Mm. Mais quand on parle de tableau, quand on... De tableau en soi, même... Enfin, quand on parle de théâtre, on peut parler de tableau, mais là, il y a vraiment des moments où il y avait vraiment un travail de tableau, où il y a vraiment un arrêt. Oui. Où tu les regardais juste, où il ne se passait rien. Tu regardais une scène. Ça peut paraître paradoxal comme phrase, mais tu regardais juste une scène de personnes ou un truc comme ça, et qui, où ça bougeait pas, et c'était reparti. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec la lenteur de ce spectacle. Mm. De la lenteur, oui, mais pas autant. Parce que là, c'était dur. C'est cette lenteur qui m'a perdue aussi au bout d'un moment, parce que, en fait, il y a eu quelque chose de très répétitif, mais je pense que c'était voulu, et il y a eu ça un peu partout et tout. Mais moi aussi, j'ai essayé de comprendre, parce que, parce que je me suis dit, il faut qu'on enregistre. Et au bout d'un moment, dans mon cerveau, je me suis dit, mais mince, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire? Et au final, j'ai aussi accepté le fait que je comprenais rien. Des fois, il faut, hein. Ouais, mais du coup, par moments, j'ai essayé de me dire, ah, ça fait référence à ça. Et puis, 30 secondes après, c'était pas la même oui. chose. Mais oui, c'est ça. Ouais, mais exactement, c'est qu'en fait, moi, à un moment, je me suis dit, donc, bah, plus tard, on va parler... Moi, mon axe à moi, c'est pas parler de la virilité, donc, ouais. qui est apparu pour moi dès le début. Oui. Où je me dis, peut-être qu'à ce moment-là, ça parle de virilité. Je veux dire, on a le buffle qui vient d'arriver, des hommes qui se mettent à poil devant un buffle. Pour moi, ça me parlait très fort. Et deux secondes après, je dis, ah bah non, ça marche plus du tout. Et puis à la fin, c'est revenu. En fait, chaque fois, mon idée était démontée. Et n'ayant pas du tout lu de quoi ça parlait, donc maintenant qu'on me parle de mythologie, je comprends mieux. Oui. Mais donc ça, c'est toi qui vas en parler un peu plus précisément, je pense, et on va pouvoir en débattre aussi, mais je comprends mieux en effet avec l'aspect mythologique. Alors est-ce que c'est parce que en France, j'adore la mythologie grecque, le fait est que je connais certaines choses, mais pas, je suis pas une pro en mythologie, pas du tout. Ça m'intéresse terriblement, mais voilà, le fait est que j'ai pas du tout compris la référence au Minotaure et à Thésée, qui est une histoire que je connais assez peu dans la mythologie. Maintenant que je la comprends, je vois un peu mieux où ils ont voulu en venir, même s'il y a plein de fois où ça se démonte, et pour moi c'est le gros défaut de ce spectacle. Qui est un défaut à mon goût, hein, évidemment, tout ce que je dis c'est une question de goût personnel, si ça se trouve ce n'est pas un défaut pour n'importe qui d'autre. Mm-hmm. Mais c'est que, en fait, je pense qu'ils ont voulu dire trop de choses. Et quand, dans un spectacle, on a envie de parler de trop de choses d'un coup, et ben au final, on en vient à plus vraiment savoir de quoi on veut parler, et du coup, le spectateur se perd. C'est une chose à laquelle on fait souvent face, parce que donc, pour contextualiser, Elsa et moi sommes en formation ensemble au cours Florent à Paris, et quand on a des créations à faire ou des cartes blanches, on est souvent face à ce truc-là de « Alors c'est intéressant, mais t'as voulu raconter trop de choses, du coup on comprend pas où tu veux en venir. Ouais. » Et pour moi, c'est la définition de ce spectacle. C'est vrai. Il y a un truc qui, moi, m'a frappé dès le début, et c'est les premiers mots qui me sont venus à l'esprit, étonnamment, d'ailleurs, c'est la confrontation entre le formel et l'informel. Dis-moi plus. Ça peut paraître super bizarre, mais au début, on a donc ces personnages, parce qu'il faut en parler un petit peu, de ces êtres. Ah oui, mais c'était très drôle, d'ailleurs. Qui sont très... Moi, si le spectacle avait été tout le long avec ces personnages... Oui. J'aurais kiffé. Oui, ouais, c'était très drôle. Donc, c'était finalement nos danseurs favoris que nous avons. Oui. Avec donc leur veste, je pense, jusqu'à leur crâne. Tout et sur fait. Le haut de leur crâne, un espèce de ballon de baudruche. Ouais, une espèce de petite boule qui bougeait un peu comme les têtes de chien à l'arrière des voitures. Exactement. Qui, du coup, paraissait comme étant la tête du personnage, quoi. Qui créait des humains un peu étranges, mais qui... je trouvais que c'était une belle métaphore de l'humain à l'heure actuelle. Mais bon, bref. Voilà. Je trouvais que ça marchait pas mal. Et leur problème... Moi, j'ai toujours un problème maintenant qui m'est revenu cette nuit. C'était l'histoire du néon. Mais bon, ça, on en parlera plus tard. Ah oui. Parce qu'il y avait un néon. J'adore les néons. Et moi donc. Mais là, j'ai pas compris. Mais du coup, ouais, du formel et de l'informel, c'est-à-dire que j'ai vu ça par rapport à leur tenue et par rapport à beaucoup de leurs comportements. Il y a énormément de fois dans ce spectacle, parce qu'on va mettre tous les mots dans les phrases, dans ce spectacle, il y a énormément de fois des confrontations entre des hommes en costume, des hommes mi-habillés, mi-hein, et des hommes complètement nus. C'est vrai. Il y a beaucoup de fois des confrontations entre différentes actions, c'est-à-dire ceux qui osent pas faire et ceux qui en font trop. Et il y a, au début, il y a finalement l'espèce de formel un peu fantaisiste aussi, où ils sont tous en costume cravate, ils ont tous cette espèce de petite boule sur la tête, comme si c'était des futurs humains, parce que même, ils parlent pas vraiment, ils baragouinent un truc, enfin, il y a quelque chose. Et ils ont tous cette... ils se baladent en petits groupes, enfin, c'est un petit peu des petits trucs très bien. Moi, ce début m'a vraiment beaucoup plu. Ah oui, grave. Et cette petite porte par laquelle ils passent tous. Très beau travail de mise en scène, d'ailleurs, avec cette porte. Hein. Il y a vraiment des trucs très beaux qui ont été faits avec. Mais contextualisation, juste, il y a une porte en fond de scène par laquelle il y a des entrées et des sorties, mais la porte va dans les deux sens. Elle est très bien utilisée. Ouais. Elle est très bien utilisée. Après, parce que, bon, je ne vais pas parler de ma vie, mais on a, comme, enfin, avec une amie, on a travaillé sur un spectacle qui parlait, donc, enfin, sur une création qui parlait du burn-out. Et dedans, oui. On avait aussi utilisé le concept du costume qui, pour moi, quand je l'avais mis en scène, bon, aussi parce qu'on parlait un petit peu de l'entreprise, mais pas que, mais le costume, c'est un truc très formel, très noir, très machin, très... Très, tu es bien dans ton carcan, quoi. Ah oui, ah bah pour voilà. Le coup, moi je l'ai pris comme ça hier soir quand je les ai vus en costume, je me suis dit, ok, c'est la représentation de la société, ouais. Globalement. Bah, et du coup, le fait qu'il y ait parfois sur scène, c'est là que j'ai trouvé ça assez cool, des hommes en costume qui dirigent un buffle. Oui. Je sais pas pourquoi ça m'a bien plu. Mais même, voilà, juste pour en revenir, moi c'est beaucoup les costumes qui m'ont frappé finalement là-dessus, et leurs actions aussi. C'est, y a vraiment une différence. Après, je trouve qu'il n'y a que ça dans ce spectacle. Il ne crée que des contrastes entre beaucoup de choses. Mais il y a vraiment un truc entre montrer la liberté et la non-liberté, le formel et l'informel. Enfin, voilà, essayer de montrer comment se libérer des carcans de la société. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait un truc comme ça, quoi. Mais qui m'a bien plu, mais qui, au bout d'un moment, devient un peu saoulant. Ça devient long, quoi. Et puis, tu le prévois à l'avance. C'est pas grave, mais en même temps... Bon, bah, tu t'y attends, quoi. Mais bon, voilà, après, il y a des tas de choses dont tu t'attends pas, notamment qu'un buffle accouche d'une femme. Mais bon, c'est. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ce moment, dis donc. Et bah, j'ai mis du temps à le voir. Enfin, accouche, c'est même pire que ça, c'est qu'elle sort en césarienne du ventre du buffle. Exactement. Un buffle taureau. Et elle sort en césarienne en tombant sur un homme nu, elle-même nue. Oui. Voilà. Voilà. Ça restera là. Voilà, c'est. Ah oui, mais ça, alors ça, bon, c'est encore un autre sujet. J'ai peur de trop digresser, donc ouais. Tu me renvoies chier si c'est le cas. Non. Mais je t'aime bien, t'inquiète. Mais la nudité sur scène, c'est aussi un gros sujet en oui. soi. Qui, moi, il y a quelques années de ça, donc je vais parler de moi deux secondes. J'ai eu mon bac en 2013 et donc je suis partie en licence de théâtre à Bordeaux en 2013. Et donc à partir de cette année-là, j'ai vu beaucoup de spectacles, notamment pendant mes trois années de licence où je voyais en moyenne un spectacle par semaine. Et j'avais beaucoup de mal à ce moment-là avec la nudité sur scène. Non pas que je sois gênée par le fait de voir des gens nus sur scène, mais juste parce que j'avais l'impression que le fait de mettre une personne nue sur scène, c'était trop le cliché des artistes qui veulent trop dénoncer la société et ce que renferme la société. Et donc, du coup, on va les mettre nus, comme ça, ils ont pas de limites. Hein. Et puis, comme ça, ça va un petit peu bousculer le public. Hein, alors, il s'y attend pas. Sauf qu'à force de vouloir bousculer le public, toutes les pièces étaient comme ça et du coup, ça bouscule plus rien. Et du coup, voilà, c'était un truc qui m'agaçait. Aujourd'hui, j'ai un rapport complètement différent à ça, personnellement, parce que je me suis surprise à moi en lisant une pièce. Donc était l'échange de Claudel que je devais mettre en scène pour moi-même pour faire mon parcours d'un rôle en cours écoutez, renseignez-vous sur les cours Florent si vous ne comprenez pas. En tout cas, je devais mettre en scène une partie de cette pièce et je me suis surprise moi-même en lisant cette pièce à me dire ce serait magnifique, donc je le ferai pas parce qu'on est en cours, ouais. Mais ce serait magnifique si à ce moment-là en disant mon texte je me mettais nue au fur et à mesure, mm-hmm. Parce que pour moi c'était vraiment voilà, le sens de je me mets tellement à poil dans ce que je suis en train de te dire là maintenant, dans ce que je suis en train de te déclarer, que ben ça a du sens que je me foute à poil devant toi autant que par les mots que par le physique. Mais du coup hier soir, moi j'ai pas, enfin après moi ça m'a bloqué avec cette histoire de costume en face, tu vois. C'est ça qui m'a bloqué. Après s'il y avait que de la nudité et les mecs étaient en t-shirt, j'aurais pas dit la même chose peut-être. Enfin je sais pas. C'est, le contraste c'était grand. Mais après, j'ai aussi eu une période avec, avec le nu où j'ai vu plusieurs spectacles quand j'étais au lycée, pour le coup, donc en 2015-2016, quelque chose comme ça. J'avais vu un spectacle à l'époque au TNS avec Emmanuel Béart, et dans ce spectacle, alors je me rappelle plus du nom du spectacle, ça date d'il y a un moment, il y avait trois personnages, elle, un homme et un autre homme nu. Et j'avais pas compris. D'ailleurs, c'était la première fois que j'en ai une amie à moi au théâtre. Qui n'était jamais allé au théâtre avant, et quand tu rentres dans la salle, le seul personnage qui est sur scène, donc pendant que tout le monde est dans la salle, c'est l'homme nu, et il est assis sur un fauteuil et il bouge, tu vois. Donc vraiment, genre ma pote qui n'est jamais allée au théâtre de sa vie, qui voit ça, qui se dit putain, mais où elle m'a emmenée. Donc tu te retrouves là et tu te dis bon, yes. Et puis bon, bah t'es lycéen, donc aussi au lycée, t'as pas forcément le même rapport avec tout ça, enfin pour certains. Carrément, voilà. Carrément. C'est un peu la période de puberté. Et encore, c'est pas le collège, mais... Et encore, c'est pas le collège. Mais c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Voilà. Ouais. Donc, elle, je sais qu'elle était ultra gênée. Pour le coup, moi, j'en avais déjà vu des spectacles comme ça, donc ça me dérangeait pas tant que ça. Et du coup, là, moi, je comprenais pas la nudité. Dans tout le spectacle, j'ai pas compris. Et j'avais surtout, sur le moment, pas compris pourquoi le mec avait remis un caleçon pour venir saluer. Puis après, j'ai compris le rôle, le machin. Ça me dire, mais mec, on t'a vu nu pendant toute la pièce. Le comédien, le personnage. Le comédien, le personnage. Et après, j'ai fait les cours Florent et j'ai compris. Et sur le moment, du coup, j'ai lu après le papier qu'il y avait. Et il parlait de pureté. Que c'était la représentation de la pureté. Et depuis, à chaque fois que je voyais du nu, je suis restée sur l'idée que le nu était la représentation de la pureté. Et en vrai... Oui. Ça peut. Ça peut. Mais là, ça servait clairement à rien. Je comprenais pas trop. Il aurait eu un t-shirt. Et bref, il était plus jeune physiquement. T'avais pas besoin d'en rajouter une couche. Dans son caractère, il y avait tout ça. Et du coup, là, je me suis fait la même réflexion. Quand j'ai vu tous ces gens nus, ce qui sont quand même beaucoup, je me suis dit, est-ce qu'ils essayent de créer un espèce de... je vais appeler ça un jardin pur pour montrer que tout le monde est pur, tout le monde chante et tout le monde danse dans la joie et la bonne humeur, comme quand ils sautent sur ces magnifiques cailloux. Parce que là, ils ont l'air d'être très heureux, tu vois. Oui. T'as vraiment une image... je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas si c'est vraiment un tableau ou une photo. Il y a un endroit qui s'appelle le Mont Verita. Alors, je sais plus si ça existe. Il y a un film qui va sortir bientôt avec Joël Bassman, très bon acteur. Il y a une image qui traîne où tu vois tout le monde nu, qui se tient la main et tout, et ils sont très joyeux, ils font des rondes. Et j'avais cette image-là, et mon Verita, il prône aussi, je crois, si je me trompe pas, une forme de pureté. Si je me trompe, frappez-moi. ne faites pas, frappez votre outil de podcast. Voilà. Et moi, j'ai vu beaucoup de formes de tableaux religieux, de tableaux tout court dans ce spectacle, parce que il y avait dans l'Antiquité aussi, les tableaux, et même les statues, il y a nu. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que dans l'idée que je n'avais pas du tout comprise pendant le spectacle, mais que je comprends maintenant, où il parle de mythologie, de mythologie grecque, donc, ça me semble d'un coup beaucoup plus justifié, entre gros guillemets. Je suis pas pour le fait de justifier l'intégralité de ce qui se passe sur scène. Et vraiment, les corps, en plus, c'est des corps de danseurs circassiens, donc ils sont des corps extrêmement musclés, exactement comme les statues grecques, finalement. En fait, le premier homme qui se met nu a vraiment la même musculature qu'une statue grecque. Alors, je dis ça, je n'ai pas maté au point de me dire... Mais, alors, j'ai un peu... sans être chelou. J'aime bien remarquer ce qui fait fonctionner le corps du danseur ou de la danseuse. Par exemple, j'aime bien me dire, quand je vois les mollets des gens, me dire « Ah tiens, cette personne, elle fait de la danse, ça se voit, ses mollets !» Non, mais c'est vrai, moi, c'est dans leur position de pied. Voilà, ou ce genre de choses. Et donc, en fait, ça m'a vraiment marqué la musculature entre sa fesse et sa cuisse. Ça m'a été creusé comme une statue grecque. Enfin, il avait un beau postérieur, disons-le. Oui, non, mais ça, évidemment, il avait un bon boule. Oui, on peut le dire. Mais, je veux dire, son boule était formé grâce à la musculature qui faisait que... Je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que quand tu fais un comparatif par rapport au... Alors, cette phrase, elle peut être magnifique, au boule d'Hercule. Oui. Voilà. Tu regardes le boule d'Hercule au musée du Louvre, et le boule d'Hercule ressemblait beaucoup au boule de... Du Galilée. Mais oui. Mais c'était vraiment très étonnant. Il avait vraiment une musculature digne d'une statue grecque, en fait. Et les autres, un peu moins. Enfin, je trouve. Oui. Oui, c'est peut-être que c'est pour ça que c'est lui qui commence, d'ailleurs. Ouais. Je ne sais pas. Mais d'ailleurs, la femme... Enfin, alors, là, ma culture va prendre un coup dans la gueule, mais la femme, il y a un moment, il y a une scène où elle est dans cette espèce... Dans la vulve géante ? J'ai appelé ça une huître, mais si tu veux une vulve... Oui, toi tu as vu une huître, moi j'ai clairement vu une vulve. Hein. Au début j'avais vraiment vu une... Je me suis dit, non, peut-être pas une vulve. Et puis après je me suis dit, mais attends, les côtés sont... J'ai vraiment vu au premier degré une... Tu veux dire que le fait qu'il y ait de la peinture qui coule du bébé et qui descende jusqu'en bas, t'as quand même pensé à une huître et pas à une vulve ? Après, en même temps, sachant qu'on huître, a vu une femme vulve. Fontaine juste avant. Moi j'aime la côte, j'aime... un petit vin blanc. Mais je t'emmènerai au Cap Ferret. Pour une petite douzaine. Mais bref, non mais oui, sur le moment, j'avais vraiment envie, je sais pas pourquoi je voyais une huître, mais c'est parce que la forme, enfin je trouve les rebords étaient noirs et puis je sais pas, oui, bref. Oui, non mais oui, mais carrément. Mon père a mangé des huîtres tout un Noël, laissez-moi tranquille. Non mais si, c'est vrai qu'on peut voir une huître. Mais enfin en même temps une huître et une... C'est pour rien qu'on dit la moule en parlant de la tuche, tu vois, c'est en soi les fruits de mer, les huîtres et une moule. Les fruits de mer, les organes génitaux, tout ça, bon, c'est la même chose finalement. Mais je sais pas parce que je sais pourquoi j'ai vu une huître et une moule, mais au sens moule. Oui. Parce que ça ressemble à un tableau. En fait, la fille avait des longs cheveux roux. Bah en fait, c'était un peu la Vénus de Botticelli, puisqu'on a Aphrodite, Vénus, tout dépend grec romain, hein, c'est la même personne sinon, qui est du coup, ce tableau est hyper connu, je pense que vous le connaissez, mais bon, au cas où, elle est sous la mer, tout simplement, debout au milieu d'un coquillage. Et c'est vrai que ça fait beaucoup penser à ça, à ce moment-là. Bah, ce moment-là m'avait fait penser à ça, c'est pour ça que bah, l'huître. Je trouvais que là, ça avait un écho plus fort dans ma tête. Puis même, ils jouent beaucoup aussi, tu sais, quand ils se mettent à deux et qu'ils dénudent chacun une partie opposée de leur corps pour faire semblant qu'ils sont une seule et même personne. Ça marche très bien, c'est très bien utilisé, la nudité. Habit-nudité, c'est très bien utilisé pendant tout le spectacle. Ouais. Et pour revenir au formel-informel, oui. Il y avait par rapport avec la ce que tu as appelé la femme fontaine, ce qui était prohibé. J'ai pas contextualisé ça, mais en gros, on a une femme qui se met au milieu d'un truc qui gicle de l'eau, et elle-même, il y a de l'eau qui gicle d'elle-même. Donc voilà. C'est littéralement une femme fontaine dans tous les sens du terme, parce qu'elle est hyper sexualisée quand même, elle est nue sous une robe transparente, etc. Donc c'est assez clair le jeu de mots sur la femme fontaine. Et juste après, il y a ce moment avec Vénus. Oui, c'est ça, après. Exactement. Donc, mais juste à ce moment-là, les hommes ne sont plus nus, ils sont en costard, ils ont des flûtes de champagne. Je sais pas si tu t'en souviens. Si. Et ce moment. Et ils se servent de son fluide. Et il y a beaucoup de choses extrêmement. Enfin, dont on peut parler, mais aussi, bah, du coup, là. En fait, il y a tout le temps, à chaque fois, cette espèce de contraste. Quand il y a au moins deux personnes nues, il y en aura toujours un en costume. Enfin, il n'y aura jamais tout le monde nu en même temps. Il n'y aura jamais un truc très linéaire dans ce spectacle. Oui. Ce qui fait aussi son originalité. C'est vrai. Voilà. C'est drôle parce que tu vois, on n'a pas passé une très bonne soirée l'une comme l'autre et on en retire pas mal de positifs visuellement. Oui. En fait, je pense que c'est tellement beau, c'était vraiment extrêmement bien travaillé visuellement, c'était très beau. Ouais. Et vraiment, ce qui nous a embêté, ça a été la longueur du spectacle en fait. Parce que là, les souvenirs qu'on en a quand c'est par fragments, c'est très bien. Oui. Et juste, c'était long quoi. C'était très long. Il y a un truc qui m'a marqué, je sais pas si ça t'a marqué aussi, mais il y avait le travail des formes. Le travail des ombres, tu veux dire, ou... Des formes et des ombres. Enfin, il y avait un travail des ombres aussi, notamment. Oui. Avec. Enfin, moi, j'ai retenu quelque chose de très. Il a beaucoup travaillé les formes circulaires, triangulaires, et puis bien d'autres encore, parce que je n'ai plus de vocabulaire. mais en gros, il n'y a pas un moment où j'ai pas vu un travail de forme, et même à un moment, notamment avec. Un élément dont je voulais absolument parler parce que je le veux chez moi, c'est ces... Comment on appelle ça ? Ces échelles. Les échelles qu'ils utilisent. Ah, je pense qu'ils les ont fabriquées eux-mêmes. Oui. Elles sont magiques. Oui, les échelles qui se plient par quatre endroits. Oui. Avec ces échelles-là, ils font sans problème. Enfin, t'as la forme triangulaire. Après, t'avais cette espèce de cercle qui arrivait au bout d'un moment. On sait pas pourquoi. Oui, c'est vrai qu'il y a... Oui, c'est vrai. Il y avait ces planches. Il y avait plein de trucs qui faisaient qu'il y avait plein de formes à chaque fois. Et tout d'un coup, au bout d'un moment derrière, t'avais un truc qui coupait la scène en deux. Oui. Au niveau de la lumière, qui était vachement intéressant. Un peu comme mon mur si présent. Exactement. Moi, j'ai vu beaucoup de formes à chaque fois que j'ai pas compris réellement, mais je trouve qu'elles avaient une importance parce qu'il y avait des scènes où tu t'en trouvais plusieurs, je sais toujours pas pourquoi, mais je trouvais ça vachement intéressant d'utiliser tout ça. Et notamment, je sais que l'affiche du spectacle qu'on voit dans le métro, oui, y a ce cercle autour de ce buffle. Oui. Pour d'abord, je me suis dit c'est pour signifier l'action qui se passe à l'intérieur. Après, je sais pas trop, enfin, il y a plein de trucs. Je sais pas quel rapport ça peut avoir, si c'est un truc avec la mythologie, si ça a un rapport, enfin, les formes, les angles, les machins, qui peuvent avoir un rapport avec... Ou peut-être juste son côté plasticien qu'il a voulu travailler. Je pense, il y a ça aussi, mais c'était très intéressant. On peut parler de la lumière aussi. Oui, la lumière était folle. Il y avait un travail sur les ombres que j'ai trouvé magnifique particulièrement, ça a été qu'il y avait des espèces de pierres en polystyrène, pierres rectangulaires qui peuvent former un mur en polystyrène sur lesquels il courait et il les retournait en courant dessus. Et au bout d'un moment, ils ont commencé à construire une espèce de champ de bataille et à marcher dessus. Et tout ça, en fait, si on le voyait au premier plan, donc on les voyait en train de s'amuser sur les petits plots en polystyrène sur place, sauf qu'il y avait un des comédiens danseurs qui avait un projecteur, qu'il était en train de faire bouger tout autour de la structure, ce qui créait sur le mur une ombre, comme s'ils étaient en train de courir en fait sur les plots, comme s'ils étaient en train d'avancer. Ouais. Moi j'avais l'impression d'être en train de regarder un truc de 1789, tu vois, enfin, genre c'était la révolution et qu'ils étaient en train de courir sur des corps et des trucs complètement pétés. Et moi ça m'a direct fait cette image là, et c'était très très beau ce moment avec l'ombre derrière qui était différente de ce qu'on voyait en premier plan, quoi. De toute façon, le travail des ombres là-dedans, il était magique. Enfin, vraiment, il y avait l'ombre était super importante. Le personnage était très intéressant, mais en soi, l'ombre qu'il créait. Et même les ombres qu'ils créaient tous ensemble, ça formait un truc. Même quand ils étaient, par exemple, ce que je vais appeler un multicorps, c'est-à-dire quand ils étaient à deux à créer un seul corps. Oui. Enfin, je trouve qu'il y avait quelque chose de très... C'était doux, le passage de... Et malgré ce néon, qui était quand même... C'est quand même une lumière assez dérangeante, un néon, qui disparaît assez vite aussi, hein, mais je trouvais ça super intéressant, son travail de lumière. On pouvait passer d'une certaine douceur à quelque chose de beaucoup plus industriel. Oui, voilà. Oui, complètement. Mais c'est là d'ailleurs que, donc, dans ce qui a été noté, du coup, dans l'espèce de micro-note d'intention d'avant-spectacle, qu'à la base, ils étaient partis sur le Minotaure et Thésée, et qu'ensuite, ils vont sur la recherche de la lumière. Oui, la recherche de la lumière, elle est indéniable. Alors, encore une fois, pour moi, c'était l'un ou l'autre. Les deux ensemble, du coup, ça nous perd. Parce qu'on comprend pas, parce que... Alors, autant les jeux d'ombre, etc., sur l'histoire, ça marche bien, autant l'histoire du néon au début, que moi, j'ai trouvé en soi... Enfin, moi, qui m'a plu, personnellement. En fait, donc, il y avait un néon, du coup, comme Elsa vient de le dire, qui clignotait, ils essayaient de le réparer, ils n'y arrivaient pas vraiment. Pourquoi pas ? Mais du coup, c'est vraiment à recherche de lumière. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont envie de raconter, et c'est là que, pour moi, ils s'éparpillent un peu. Ouais, il y a eu trop de mélange, en fait, entre tout ce qu'il a dit. C'est un peu dommage. Mais bon, enfin, ce qu'il a essayé de raconter, parce qu'il n'a pas dit grand-chose. Mais enfin, il y a plein de trucs aussi qui n'ont été utiles que pour ça, enfin, trucs et êtres humains, qui n'ont été utiles que pour des petits moments. Là, on parle des seaux, on peut parler du robinet, on peut parler du néon. Mais tout, en fait. Et puis de cette dame. De cette... Oui, mais... et de cette eau, puis on en parlera après. Voilà. Mais oui, de la dame, donc de cette dame. Ouais. Nue. Oui. Plus ronde que les... Enfin, faut en parler aussi, elle n'avait pas le même physique aussi. Qui cependant, je pense, est danseuse aussi vu ses mollets, mais en effet qui n'a pas un corps sportif comme les autres comédiens danseurs. Voilà. Mais surtout qui est là 5 minutes juste pour venir devant, faire toucher la peinture qui est sortie du bébé de la vulve là. Alors contextualisation, donc nous avions la femme fontaine, puis cette femme fontaine se met dans la vulve huître Vénus de Botticelli. Mais d'ailleurs, de dos, quand elle vient, quand elle entre... Oui, elle est dans un papier. On dirait qu'elle est dans un papier. C'est juste. Très drôle. Très bizarre. C'est vraiment très drôle. On dirait qu'on parle à un papier dans une corbeille. Oui. C'est très étrange. Et donc, elle est au milieu de la vulve, elle tient un nouveau-né dans ses bras. Et alors, sur le coup, moi, je n'ai pas compris. J'ai mieux compris en lisant ce matin, quand le fils prend la place du père, ça représentait clairement ça. On a énormément de peintures blanches, rosées, qui coule du bébé et qui tombe au pied de la vulve et de la meuf sur un espèce de plastique réfléchissant noir. Ouais. Et donc la madame qui arrive après toute seule sur le plateau et qui vient toucher avec ses cannes le liquide, mais une madame plutôt plus âgée et du coup pas avec le même corps, avec un corps vieilli a priori par la vie quand même. Ça doit avoir un sens, hein, clairement, obligatoirement. Ah oui, sûrement pour eux. Mais surtout que... Bah, on aurait bien le comprendre maintenant. C'est là où il y a ce truc que j'appellerais la transition d'Annie Larry. parce que, en gros, il y a un moment où donc, cette femme se dirige vers cette petite porte. C'est très beau ce moment-là. Et, mais là où tu en viens. elle entre, oui. Elle pousse la porte, oui. Elle fait un battement. Et quand le battement se... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais quand le battement se rouvre, d'une certaine manière, c'est la jeune femme qui apparaît. Exactement. Donc je pense que la transition, elle se fait en un quart de seconde. Ah oui, oui, clairement. Oui. Et c'est très beau à regarder. C'est très beau. On s'y attend pas du tout, en fait. Parce que vraiment, la meuf, elle a mis 3 heures à retourner à la porte de l'avant-scène, à la porte en fond de scène. Vraiment, on est là, bon... T'es mignonne, mais... Ça, on attend la fin, là, vraiment, accéléré. et elle ouvre cette porte donc, qui a double battant, qui a battant simple, enfin, il n'y a qu'une seule porte, mais elle s'ouvre dans les deux sens. Et c'est là, en effet, après avoir mis 3 heures à rentrer en arrière-scène, on la voit, donc on voit son corps nu dans du noir, en fait. Ouais. Et il se passe ce que Elsa a raconté, où donc, quand elle referme la porte continue de se réouvrir dans l'autre sens, et on voit le corps de la femme plus jeune. Et ce moment est très beau. Et donc, cette femme qui n'a servi qu'à ça, en fait. C'est très étrange. J'arrive pas à savoir si c'est dommage ou pas. Bah moi non plus, vu qu'on n'a pas compris sur le coup. Est-ce que ça peut pas être une métaphore du vieillissement, du corps de la femme et de possiblement cette femme qui vieillit ? Pourquoi, selon la mythologie, etc., c'est quoi le rapport, tu vois ? Je vois toujours pas, mais... Parce que oui, évidemment qu'il y a une histoire de corps changeant, mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, quoi ? Mais même si... Et c'est là que je regrette d'avoir lu en même temps, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit qu'il y avait 8 danseurs, et moi, bien sûr, premier degré, j'avais compté les danseurs, et je vois qu'il en manque un à chaque fois. Et je me dis, bon, bah, vu tout ce qu'ils font, bah, il en manque un, c'est pas grave. Il se pétait une jambe. Il se pétait une jambe. Le pauvre, la plus. Il y en a un qui l'a remplacé, et puis c'est réglé. Et puis après, je vois cette dame, et je fais, ah ! c'était donc toi. Mais et donc, ce qui s'ensuit avec un autre, enfin pas directement, mais quasiment directement, vu qu'après on a juste la meuf qu'on vient de voir qui vient remplir son seau pour mettre de l'eau et descendre dans les tréfonds de la Seine. Ouais. Et ensuite, on a cet autre moment où on ne comprend pas pourquoi il y a de l'eau sur Seine qui ne sert à rien finalement. Quand ils démontent le plateau. Bah, c'est toi qui l'avais vu tout à l'heure. On parle de la mer Égée. Moi, j'ai toujours rien trouvé d'intéressant sur la mer oui, Égée. Oui, je sais pas. C'est le magazine de la Terrasse qui parle de la mer Égée. Je sais pas si c'est... Je pense que si, dans la mythologie grecque, évidemment, il y a un truc intéressant avec la mer Égée. Enfin, oui, mais... autour de tout ça, mais... Mais tu vois, ça fait encore beaucoup de mise en place technique. Ouais. Pour un petit élément, en fait, qui ne nous a nous pas parlé du tout. Oui, et je pense que ça n'a pas parlé à grand monde. Peut-être en Grèce. Oui, en Grèce, c'est sûrement beaucoup mais en de... France, un peu moins. À moins que tu aies étudié la mythologie pendant longtemps. Oui, voilà, à moins que tu aies des bonnes connaissances, ouais. Quand bien même, si tu as des bonnes connaissances, est-ce que la première fois que tu vois de l'eau et des plateaux, enfin, et des samias qui font mine de sable, est-ce que tu penses à la mer Égée? Bah non, moi, je ouais, pense ouais, au Cap Ferret. Enfin, après, moi, c'était la partie que j'ai le moins aimée, parce que de toute façon, il se passe pas grand-chose. C'était chiant, hein. C'était giga chiant, c'est comme quand ils commencent à mettre leur montagne de cubes. Moi, je n'ai rêvé que d'une chose, c'est qu'elle tombe. Mm. Je dis, allez, fais-la tomber maintenant. Ah oui, parce que oui, ils ont joué au Cap-là aussi avec leur montagne de cubes. Ouais, mais moi, j'aime bien jouer au Cap-là, j'aime bien participer. Tu vois. Là, tu les regardes, vraiment, t'en as un petit peu marre. Oui, c'est clair. C'est un petit peu long, mais finalement, le truc qu'on retient de ce spectacle, c'est que c'était long. C'était long et beau. Trop long. Trop long. Trop long. Ouais, trop long et beau. Ouais. Dans les grandes lignes, en gros, moi, j'y ai vu beaucoup de tableaux. Mythologique, mm-hmm. Pour être allé pas mal au musée, pour avoir vu pas mal de tableaux, et pour être intéressé par ça. Quoi qu'il en soit, de la mythologie là-dedans, t'en vois partout. Quand t'as lu le papier. Moi, je l'ai pas vu. C'est pas grave si vous l'avez pas vu non plus. J'ai commencé à comprendre la mythologie à ce moment avec donc Aphrodite, quoi. Vraiment, oui. Mais pourtant, il y a le Minotaure depuis le début. Ah oui, ouais. Parce qu'on n'a pas parlé de ça, il y a vraiment un gars humain. Okay. Alors autant il y a le buffle, et puis il y a un gars humain avec juste une tête de buffle qui représente clairement ouais. Le Minotaure. Voilà, moi je l'avais pas compris avant, il y a 3 heures. Hein. Mais ce qui m'avait vachement plu, et c'est pour ça que je parlais de mythologie, donc c'était cette forme de tableau dont j'ai déjà parlé, mais surtout des chimères. Les chimères, en fait, là-dedans, il y en a beaucoup, mais sous plusieurs formes, notamment avec notre buffle et les multicorps. Les multicorps, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais en fait, les chimères, elles peuvent avoir plus forme humaine, plus forme animale, enfin on s'en fout. Ou un peu, mais quoi qu'il en soit, c'est un mélange des deux. Et là, je l'ai beaucoup vu dans leurs acrobaties. En fait, à un moment, toi, t'en as déjà parlé, mais du coup, il y a les multicorps, comme on peut l'appeler, là où ils sont des fois plus vêtus. Enfin, il y a un corps qui est vêtu, l'autre qui ne l'est pas, et ensemble, ils créent une forme. Oui, ils jouent avec des illusions voilà. D'optique, en fait. Ils jouent littéralement avec des illusions d'optique, et il y a un moment... Ouais, on peut en parler un peu tout le temps, mais il y en a un qui m'a le plus marqué, c'est que de chaque côté de la scène, à Courrèges Jardin, t'as 4 personnes qui vont former 2 corps. C'est plus vers le début, en gros, à un moment, donc ils sont littéralement, ça fait un... Elle a la tête, c'est la femme, et de l'autre côté, c'est un homme. Mm-hmm. Elle a la tête vraiment en hauteur, et les bras aussi. Et donc, lui, il est vraiment sur 4 pattes. Enfin, voilà. Et donc, vraiment, ça crée un animal à 4 pattes avec une tête. Et du coup, je trouvais ça super intéressant d'avoir utilisé l'art, enfin, l'art, donc l'acrobatie, parce que on parle de danse dans le spectacle. Moi, j'en ai pas vraiment vu de la danse. Mm-hmm. Mais du coup, là, il y a vraiment un travail du corps qui est fait, et pas que de la nudité, qui représente la mythologie, qui représente ceci, qui représente cela, et avec d'autres formes, parce qu'on ramène des objets qui nous permettent de localiser la chose. Que là, on est vraiment au plus simple, on a 2 corps qui se mettent ensemble et qui créent cette espèce de chimère, et la chimère, ça parle, c'est quand même quelque chose d'assez commun dans la mythologie, je sais que c'est quand même un animal dont on parle beaucoup, les monstres mythologiques, etc. Puis oui, non, après, le Minotaure, au sens littéral du terme, ça représente un homme qui est dominé par ses pulsions instinctives. D'accord. Voilà. Tu peux faire plein de liens dans le spectacle, je trouve. Bah oui, Même si le Minotaure ici, il est très calme. Et bah pas que. Il y a juste un moment où je l'ai trouvé violent, c'est quand il s'approche de l'homme qui est... Et qui lui arrache les couilles. Qui lui arrache les couilles. On est bien d'accord. Voilà. Ça peut paraître très bizarre parce que ça a été un moment d'humour, mais qui, moi, m'a fait penser aussi à ses chimères. C'est un moment, il y a un espèce de nageur qui passe oui. Au milieu de cette scène, qui vient faire du dos crawlé. Enfin non, c'est oui. Pas du dos, c'est de la brasse. Et tout d'un coup, il se met en forme de sirène sur le côté et on voit plus que son ombre. Et donc, tu vois vraiment une ombre de sirène. Donc, t'as vraiment plein de rapports avec la mer, avec... Fin... Mais le problème, c'est que c'est brouillon, quoi. Enfin, c'est pas brouillon, c'est flou. Bah, c'est flou, ils veulent traiter trop de trucs, en fait. En fait, ils veulent vraiment traiter beaucoup trop de choses et du coup, on n'arrive pas à tout suivre. Dès que t'as une idée de te dire « Ah, là, j'ai peut-être compris », c'est démonté juste après. Le truc que je me suis dit au début, j'ai déjà énoncé rapidement ce truc-là, mais quand on a du coup le taureau slash buffle qui est en milieu de scène et qu'on a un homme qui se met nu devant, je me dis « Ah, peut-être que ça parle de virilité ». Parce que, je sais pas, ça m'a parlé comme ça, voilà, c'est un peu conscient-inconscient, c'est... Parce que se mettre nu devant ce qui représente la force animale masculine, genrée de l'enfer, est toxique. Ça, c'était mon avis personnel. Voilà. Ah oui, parce que, y a autre chose que je n'ai... Enfin, qu'on n'a pas expliqué, c'est que le buffle, au début, est en colère, et dès que l'homme se met nu, il s'adoucit complètement. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit « Oh, ça parle de virilité !» Et après ça a été démonté, mais en fait l'idée est revenue plusieurs fois dans mon esprit, notamment à ce moment où justement le Minotaure vient arracher les couilles du gars. Et en fait moi j'ai trouvé que tout le long il y avait un rapport comme ça à la masculinité, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je l'ai beaucoup mieux compris du coup en lisant ce truc qui m'a un peu agacée dans la Bible du théâtre, alors pas la Bible religieuse, hein, la Bible du spectacle, qui est donc le fascicule qu'on vous donne quand vous entrez dans une salle de spectacle. Donc dans la Bible du spectacle, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se termine par « Je sens que les garçons sur scène naviguent sous l'influence de l'apparition de la femme qui vient, telle une planète qui s'approche d'eux, comme s'ils étaient mus par des métamorphoses de cette présence féminine. » Alors moi ça me dérange beaucoup ce discours, oui, non, même si d'un point de vue mythologique, c'est un discours qui est vrai, oui, dans la mythologie. Après, ça met quand même beaucoup... En plus, on a vraiment qu'une seule femme, avec tous ces hommes-là qui lui courent après, etc. Bon, c'est un petit peu... Oui. Bon, vous n'avez pas besoin d'en dire plus, hein. C'est un petit peu relou. Un petit peu relou. C'est... Disons que c'est une image... J'ai pas su, sur le coup, si ça la dénonçait ou pas. Moi, je l'ai pris comme étant quelque chose qui dénonçait, et en fait, c'est la raison pour laquelle je ne lis pas ce que les paroles des artistes avant de voir un spectacle. C'est parce qu'il y a des fois où je suis complètement déçue, où moi, j'ai une lecture d'un spectacle, où j'ai l'impression qu'on va dénoncer quelque chose, alors qu'en fait, quand je lis la Bible, je me rends compte que c'est l'apologie de ces choses-là. Et là, je me dis, oulala, ça pose problème. Ouais. C'est vraiment un souci, mesdames et messieurs. Voilà, mais donc, dans la lecture du spectacle, pour moi, j'ai vraiment eu une vision de critique de la virilité, hein, vu que vraiment, encore une fois, ce rapport au buffle qui est super énervé et qui s'adoucit directement, pour moi, en fait, ça m'a parlé au niveau du rapport des corps, pardon, hein, je pars très loin, mais d'être en osmose, c'est pas le bon mot, mais j'en ai pas d'autre, disons d'être dans le bon rapport avec soi-même quand on est enfin en train de s'accepter tel qu'on est, et donc dans le cas de la masculinité, d'accepter notre fragilité telle qu'on est quand on se met à nu. Et donc le fait que le buffle se calme dès qu'il s'est mis à nu, moi j'ai compris, ce qui n'était pas ce que ça voulait dire, hein, je le comprends maintenant, mais sur le coup, j'ai compris qu'il était d'un coup en phase avec lui-même en acceptant sa fragilité face au buffle. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de double... De double sens ? Ouais, de double sens. Ben, vu ce qu'il en est dit, j'ai pas l'impression. Ouais. Ça traite de beaucoup de choses, évidemment, tu te questionnes sur tout ce que tu connais. Tu te questionnes sur tout, ouais. Hein, globalement. De toute façon, moi j'ai passé le spectacle à me dire, alors attends, à quoi ça fait référence, et j'ai pas trouvé. Mais... je pense que la meilleure chose à faire, et en même temps qu'il y a un peu la... Je dirais pas une facilité, mais c'est que vraiment, quand il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à comprendre. Sauf que là, je pense qu'il y avait quelque chose à comprendre qui était trop flou. En fait, c'est ça. C'est que moi, je suis pour le fait d'accepter de ne pas comprendre un spectacle complètement. Mais là, en fait, il y avait tellement de trucs qui avaient l'air métaphoriques, de plein de choses, que t'as envie de comprendre, tu sais qu'il y a un truc, et en fait, c'est un peu bloquant. Mais bon. Mais bon. Mais bon, c'était très beau. Très long, mais très beau. Très beau, mais très long. C'était exactement ça. Parce que finalement, c'est pas une bonne conclusion de ce spectacle. Oui, je pense que ça, si on interview ce bon Dimitris, il te dirait qu'il y a vraiment un travail sur le temps, sur machin. Oui, possiblement. Sûrement. Mais enfin, je me demandais s'il y avait vraiment que nous qui ne supportons pas ça, ou si vraiment il y a des gens qui ont trouvé ça supportable. Écoute, on avait un ami à moi qui était présent avec nous, Mathieu Bisou, qui lui non plus n'a pas compris ce qui s'était passé du spectacle, qui est aussi du milieu artistique à la base, hein, on était en licence ensemble. Il n'a pas compris le spectacle, il a trouvé ça long aussi, voilà, donc... Ouais. Peut-être qu'on va clôturer cet épisode, ce premier épisode, en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous. Vous pouvez écouter le podcast sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi l'écouter sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver, nous deux, sur Instagram. Elsa underscore SKS underscore CSL. Elsa Chakis Cassel. Et pour ma part, c'est Melissa underscore Brezet. Vous trouverez mon nom de famille dans la description. Vous trouverez aussi les liens dans la description, hein, de toute manière. On va tout mettre. On va tout mettre bien propre comme il faut. Voilà. Mais tu es qui sur Twitter ? Elsa underscore Patati. Moi sur Twitter, même si j'y suis pas beaucoup, c'est M Brezé. Et sur YouTube, se passe plusieurs trucs. Moi c'est Elsa S.C, parce que sinon c'est trop long. D'accord. Tu peux nous raconter un peu ce qui se passe sur YouTube ? Sur YouTube en ce moment c'est un peu mort, mais ça revient bientôt. Enfin, j'ai un peu de montage à faire et un peu de travail, mais on a un peu de travail aussi à côté là. Tout à fait. Donc c'est un peu, on a un peu mis beaucoup de choses en stand-by. Mais je poste mes vidéos qui sont aussi visibles sur mon Insta, mais c'est plus confortable sur YouTube, disons-le. Donc voilà, il y aura mes petites vidéos qui vont sortir. J'ai sorti point 1 pour l'instant, qui est aussi sur mon Instagram. Mon YouTube, c'est Mélissa Brezé, et vous pouvez trouver plein de vidéos, mais surtout, les épisodes de mon autre podcast qui s'appelle Donne ta patte. Peut-être que vous le connaissez déjà, peut-être pas du tout. C'est un podcast que j'ai depuis 2019. Vous pouvez aussi l'écouter sur toutes les plateformes de podcast, donc ça s'appelle Donne ta patte, et ça parle de créativité, et j'interviewe régulièrement des hommes et des femmes qui travaillent dans le milieu artistique pour connaître leur rapport à la créativité. Il y a plein d'épisodes très intéressants, notamment les deux derniers, l'épisode 11 qui est avec François Terrel, aka le fossoyeur de film, et l'épisode 12 qui est avec Kalindi Rampfel, qui est une personne extrêmement intéressante qui travaille chez Mademoiselle.com. Voilà. Voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode, on vous retrouve pour le prochain, qui sortira incessamment sous peu, vu qu'on va bientôt voir beaucoup d'autres spectacles. Et ben des bisous. Des bisous partout, et prenez soin de vous. Buvez de l'eau, c'est important, et allez au théâtre. Oui, surtout, allez voir des spectacles, c'est la meilleure chose au monde.